va commencer avec aujourd'hui avec Gabriel, on va commencer, qui va nous parler, lui, de son projet, et démarrer complètement. Et Mélanie, ouais, j'ai une belle manière de prendre les choses. Et Mélanie qui va nous parler de projets qui ont marché et d'autres qui ont moins marché, parce qu'elle connaît bien la série. On va commencer par vous présenter, vous avez chacun un micro, en plus ça tombe bien. Il faut l'allumer, tu vois, il y a des boutons. Là. Il y en a un qui est bon technique. Il est 9h. Oui, enfin, il est presque 10h maintenant, Mélanie. Mais, est-ce que déjà tous les deux, vous êtes, juste pour comprendre, des vrais consommateurs de séries, ou alors pas du tout? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a, à part bercé, je ne parle pas dans l'enfance, hein, bien sûr, mais dès que vous êtes venu à l'animation, vous avez tous les deux fait les SAT, notamment, est-ce que c'est des choses que vous regardiez, vous parliez ensemble même à les SAT, ou les séries ou pas du tout? Mais les jeux, on regardait des mangas, bien évidemment. Après, est-ce qu'on regardait des séries d'animation? Oui, South Park, Les Simpsons. Est-ce que maintenant, je crois que la question c'est est-ce que maintenant. Non, mais déjà à l'époque, vous avez été béni, vous aimiez ça. Oui, mais vous avez envie. Ouais. Enfin, quand on était petit, on regardait bien évidemment les mystérieux cités d'or. Voilà, c'est pour ça que je suis fan de la linéaire. Ok. Mais qui est déjà plus presque en cours, mais en tout cas, c'est une série que j'adorais. Quoi. Est-ce qu'il y a des envies à aller ça, vous êtes de faire de la série ou de faire du court? Toi, je sais que tu as fait le casque. Est-ce qu'il y avait une envie de faire de la série en sortant de l'ESAT ou pas du tout? Pas du tout. En fait, moi, quand je suis sorti de l'ESAT, j'avais un projet de court-métrage qui est recto verso, mais en fait, qui est devenu recto verso de court-métrage. Et ce court-métrage est déjà divisé en 3. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'aimerais bien faire une série. Et toi, Mélanie? Moi, ouais, carrément. En fait, mon plan secret en sortant de DMA, c'était d'abord de faire ma propre série pendant un an en France, puis ensuite de partir aux États-Unis pour faire plein d'autres séries. C'est un peu foiré en route. la série, c'est vraiment mon média de prédilection. Je pense série, je vis série. C'est ce que je préfère. J'adore les courts-métrages aussi, mais j'ai tendance à aimer les histoires qui durent vachement longtemps. Tu savais à quoi t'attendre avant de... Est-ce que dans l'école, est-ce qu'en DMA, on t'avait parlé de la série, ce que c'était, comment ça fonctionnait ou pas du tout? Non, pas trop. On a eu des cours, par exemple, de storyboard de série, un peu. On n'est pas du tout ni dans de l'écriture de série, je dis une bêtise, ni dans le monde de la série d'animation. On ne sait pas ce que c'est en intermittent du spectacle, pas encore apparemment, d'après les derniers élèves que j'ai rencontrés. On ne sait pas trop comment ça se passe, non, c'est vrai. Et donc quand tu arrêtes les SAT, toi tu ne fais pas une autre école? Non. Tu décides de travailler directement. Ouais, mes parents ils ont dit stop, va bosser maintenant. Et donc tu travailles directement en studio sur la série? En fait, j'ai commencé pour de vrai sur un long métrage. On ne peut pas dire. Enfin, c'était une expérience d'un mois. J'ai travaillé sur Bécassine et le trésor viking, où je remettais des décors à la bonne taille, parce qu'ils avaient fait le film à la mauvaise taille. Enfin, assez absurde, moi. Mais c'était dans une boîte qui faisait de la série. Et ensuite, j'ai eu envie de changer de métier tout de suite. Et ensuite, je suis allée travailler avec Gabriel au film du Nord. Pour faire du court métrage, et là j'ai adoré, j'ai fait tout ce que je voulais, c'était génial, on faisait confiance, j'avais autre chose à faire que contrôle T, contrôle S, c'était super. Et après, je suis revenue en France bosser sur de la série, qui était une série qui était complètement incroyablement nouvelle et qu'on n'avait jamais vu un truc pareil, qui s'appelait Les Durs du Mur, qui était l'une des premières séries animées en flash, avec le style de dessin de Wojniak, qui est un illustrateur au Canal Enchaîné, qui n'a absolument rien du style d'une série télé classique. Et c'était absolument génial. On s'est éclaté. Et puis voilà. C'était une série pour la télé ou pour... Oui, c'était pour France 2. Alors que c'est une série qui a une vie assez compliquée, puisqu'en fait, c'était extrêmement grinçant et en même temps tendre et touchant et tout ça. Mais c'était vraiment une série qui mettait les pieds dans la place. Ça parlait de jeunes de banlieue, les vrais jeunes de banlieue, pas... ni les wesh, ni vraiment tels qu'ils étaient, avec des grosses mamas blagues aux fenêtres, avec un gamin qui était autiste, enfin qui parlait pas du tout parce que ses parents ne s'occupaient pas de lui. S'il y avait des choses qui étaient assez dures et des choses qui étaient super, c'était à la fois dur et tendre, et ça sautait de la gueule de la police, de tas de trucs. Et en fait, il y a eu un changement de gouvernement. Donc on était géniaux, Télérama et Le Monde nous adoraient. Et il y a eu un changement de gouvernement, et là il a fallu réécrire des épisodes. Il a fallu... moi, je n'étais pas au scénario, moi, j'étais à l'animation. il a fallu réécrire des épisodes. Il y a deux épisodes qui ne sont jamais, n'ont jamais été diffusés. Et la série a été un peu diffusée en catimini, un peu à des horaires où on était sûr que les personnes concernées n'allaient pas trop la regarder, en fait. C'est filmé, mon Dieu. Je travaille avec France Télévisions, ils vont peut-être m'acheter une série. Ne répétez pas ce que je dis. Donc voilà. Et ça a été une expérience donc, passionnante, et à la fois qui te. Justement, toutes ces réécritures, ces obligations, t'as fait comprendre. Bah, on se rend compte qu'en fait, il y a un lien quand même entre ce qui se passe au niveau politique et ce qui passe à la télé. Moi, j'ai atterri sur la planète Mars, quoi. J'ai fait « Quoi ? Mais c'est un scandale ! Ce n'est pas possible !» Et en fait, oui, évidemment, il y a un lien quand même. C'est pas, surtout France Télévisions, ben, c'est pas un lien aussi direct que c'est pas du tout de la propagande ni rien. Mais il y a des choses qu'on peut dire sous un gouvernement de gauche qu'on ne peut plus dire sous un gouvernement de droite. Notamment, les policiers sont un peu débiles, alors qu'ils étaient en plus hyper sympathiques. Où on pouvait plus montrer, moi, ce qui m'a le plus choqué, on pouvait plus montrer une famille qui n'est pas aimante. C'est-à-dire, on ne pouvait plus dire que des parents n'avaient rien à foutre de leur gamin. C'était le plus. Moi, ça m'a le plus choqué, à la limite. Bon, les policiers cassaient des vitrines. Bon, il y avait un épisode qui s'appelait quand même Film en X, où les gamins allaient voir. Enfin, les parents croyaient que les gamins allaient voir, avaient vu un film X. Et tout le film était là-dessus, en fait. Bon, celui-là, il est passé à la trappe directe. Alors qu'en fait, il n'y avait rien de choquant dans l'histoire. C'était rigolo. C'était un vrai. On parlait vraiment de. Bah, de ça, quoi. Du rapport des parents à. Qui laisse leur gamin faire n'importe quoi, et après se réveille en beau jour en se disant quoi, mais les enfants ont vu un film de X. Est-ce que ça veut dire qu'on peut pas, tu te rends compte qu'on peut pas parler de réalité forcément, de ce qui se passe autour de nous dans les séries, en animation ? Ah, c'est assez rigolo parce qu'on en parlait justement avec Delphine hier. Je pense qu'en fait on se racontait des anecdotes de notre enfance, et on se disait rien de tout ce qu'on est en train de se raconter ne pourrait passer à la télé. C'est des trucs tout con, hein, mais des. En effet, il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire. Un exemple vraiment très très récent de scénario où je racontais qu'un gamin, parce qu'il a été hyper gentil avec le prof, sans même le vouloir, il a ramassé tous ses dossiers, il passe pour le gnangnang de la classe et du coup, pour s'en sortir, il doit jouer les rebelles. Il est obligé de jouer, alors que c'est un mec hyper gentil, naturellement gentil, il est obligé de se faire les bad boys et c'est dur. Et on me dit non, on ne peut pas dire qu'être gentil c'est un problème. Je suis désolée, au collège, être gentil, ça peut être un problème. Et ça, on ne peut pas le dire. Voilà. Bon, là, c'est avec Disney, donc c'est encore un plus. On atteint le degré supérieur des choses qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'il y a, on a parlé de censure un peu politique. Et donc là, il y a une censure qui est plus, on va dire quoi, sur le fait. Dora Minusulio l'a parlé au début de semaine, elle parlait donc de deux termes, et évidemment, j'en ai. Qui sont clivants, qui sont par rapport donc, au fait du sexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir. On dit, une héroïne, c'est. Alors, on va en parler du ciel, toi, au contraire, tu as même une héroïne, mais ouais. C'est compliqué d'avoir une héroïne, il vaut mieux avoir un héros masculin. Oui, bah alors ça, c'est. En plus, je pense que c'est un peu faux, mais voilà. C'est tout bête. On dit les filles peuvent s'identifier à des garçons, mais les garçons ne peuvent pas s'identifier à des filles. Les filles, c'est quand même tellement ridicule et rose que ce serait quand même la honte. Alors, évidemment, c'est faux, il y a des tas de séries qui l'ont prouvé. Néanmoins, c'est considéré comme étant un peu plus difficile. Un projet porté par une héroïne féminine. Surtout si on sort du truc girly, c'est-à-dire vous avez vu, j'imagine, la série genre Loli Rock qui est présentée au truc de France Télé. Voilà, là on est dans du girly assumé, c'est rose, on est sûr que les garçons n'iront pas le voir, donc leur virilité ne sera pas en danger. Donc on peut y aller. Par contre, si on sent une série qui ne parle pas de paillettes, de roses, ni de chansons rock, ni pas d'ailleurs, on sent qu'il y a des petites. Par exemple, nous, on nous disait, dans Lucilette, quand même, il y a un problème. Non seulement il y a Lucilette, mais en plus, elle a une grande sœur. C'est-à-dire, il y a deux filles. Et il n'y a pas de grand frère ni de petit frère. Ah ouais, en fait, on n'y avait même pas pensé comme ça. Enfin, on était là, bah oui, il y a une grande sœur. Donc, parce que vous êtes deux créatrices, en fait, ouais, mais sur Lucilette. Ouais, tout à fait, ouais. Et ça n'avait rien de réfléchi. On ne s'est pas dit, on va mettre des meufs, il s'est trouvé que c'était une fille. Enfin, ouais. C'est qui en face ? Dans ces cas-là, c'est les gens de France Télévisions ? Enfin, les gens, des acheteurs, hein, je ne parle pas français. Non, à ce stade-là, quand on discute de ce genre de choses, c'est les producteurs qu'on a en face, parce que les diffuseurs, on ne les a pas encore. À ce moment-là, quand on est au début du projet, que tu commences à démarcher avec. Et en plus, c'est pas, il faut quand même le dire, ce n'est pas tous les producteurs. Il y en a qui sont plus ou moins. Il y en a qui, au contraire, nous ont dit c'est génial, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et il y en a d'autres qui font. On voit un peu. Et en général, ceux qui disent « Ah, mais non, c'est... » En général, ils disent « C'est les diffuseurs qui nous disent ça. » Donc, ils se cachent un petit peu. on ne sait pas du coup si c'est vrai ou pas, parce que nous, les diffuseurs, nous ne nous sommes posé aucun problème. On n'a enfin, pas rencontré personnellement les diffuseurs, c'est nos producteurs et actrices qui l'ont fait, mais eux, ça leur a posé aucun problème, visiblement, vu qu'on n'a aucun retour sur ce côté-là. Donc, c'est des « on dit que », »,« on croit que », »,« il paraît que », et peut-être que c'est vrai, on n'en a aucune idée, vu que les auteurs ne sont jamais invités aux rencontres entre les producteurs et les diffuseurs. Les auteurs ne défendent que quasiment très très rarement leur projet face aux diffuseurs, en fait. C'est toujours le producteur qui fait le lien. Je ne les accuse pas de nous dire n'importe quoi, c'est juste qu'on du coup, on ne sait pas vraiment ce que pensent les diffuseurs. Ah, vous n'avez pas la possibilité de défendre finalement un point de vue et Non, c'est très rare. Il y a des sociétés qui mettent ça en place un petit peu, en faisant que les auteurs pitchent le projet directement aux diffuseurs, c'est vachement sympa. Même pour les diffuseurs, ça paraît bizarre que les diffuseurs ne demandent pas finalement de vous rencontrer ou de rencontrer le réalisateur pour essayer de mettre au point. Oui, en fait c'est pareil, on sait pas qui ça arrange, qui ça dérange, si c'est. Après, c'est vrai qu'il paraît qu'il y a des auteurs à qui ça ne rendrait pas justice ou service de devoir être celui qui va pitcher son projet. Il y a, j'imagine, toutes sortes de très bonnes raisons, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'on se pose pas plus souvent la question quand même. Après le projet de Wozniak dont tu nous as parlé, tu as continué donc à travailler sur du dessin, enfin sur de l'animation, pardon, et des recherches graphiques, des choses comme ça sur les séries, ou tu t'es un peu plus mis dans le scénario? En fait, j'ai continué à animer sur des séries pendant assez longtemps, et j'ai eu la chance de tomber sur des séries à chaque fois hyper cool et hyper originales. Il y a une série Flatmania qui était en petite photo de magazine découpée. C'était des personnages de magazines qui étaient. Non, des enfants qui étaient coincés dans des magazines, en fait. Donc chaque épisode se passait dans l'univers d'un magazine. C'était vachement bien. Ça ressemblait à rien de jamais vu non plus. Et une autre série, par exemple, qui s'appelait La Vache, le Chat et l'Océan, avec le graphisme d'Hugues Maos, qui est son projet en plus, et réalisé par Prakash Topsy. Super série, pareil, avec des scénarios hyper sensibles, super graphisme. Et en fait, j'ai commencé finalement à abandonner l'animation au moment où finalement on ne proposait plus que des séries qui avaient un look beaucoup plus classique, en fait. Et ça m'a. Je me suis amusé au début à le faire parce que c'est toujours amusant comme un exercice de style, puis au bout d'un moment, voilà. Les séries sur lesquelles tu travaillais ont eu beaucoup de saisons ou c'était des. Non. Une saison, forcément, donc ça s'est terminé un peu de façon compliquée. Flatmania, une saison, Le Chat et l'Océan, une saison, donc c'est un vrai crève-cœur parce qu'en plus, c'est une série qui a été extrêmement appréciée alors que le graphisme à la base était vraiment complètement original et pas mignon. C'est-à-dire, c'est une série preschool qui n'est pas mignonne, les personnages ont un peu une vieille gueule, il y a une vieille vache qui est vraiment vieille, mais c'est super, hein. C'est une série où des gens qui ne regardent pas d'anime m'en ont parlé en disant « mes gosses regardent ça, j'adore ». Mais pas de deuxième saison pour des histoires, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, est-ce que vous savez quand c'est arrêté comme ça, est-ce qu'on vous... Bon, toi, t'es pas forcément la réalisation ou la production, on te donne pas forcément les chiffres Non, ce qu'il faut savoir, c'est que sans doute que je ne suis pas spécialiste de ce sujet. D'intuition, c'est pas parce qu'une série marche qu'on va faire une deuxième saison. Parce qu'en fait, la plupart des séries marchent bien. En tout cas, celles sur lesquelles j'ai bossé, c'est des séries où j'ai des bons échos, apparemment, ça marche bien et tout. Pour une deuxième saison, il faut que ce soit un énorme succès ou qu'il y ait un potentiel marketing incroyable. Enfin, j'ai l'impression que ça se joue, j'en parlais avec un réel. Ça se joue, c'est lui qui m'a dit ça d'ailleurs. Ça se joue un peu là-dedans aussi. C'est pas forcément. Parce que, en fait, les séries françaises marchent en général plutôt pas mal. Enfin, c'est-à-dire, il y a des bonnes audiences. C'est rare qu'il y ait. Enfin, je crois, mais je dis peut-être une complète connerie parce qu'on n'est jamais tenu au courant de ce genre de truc. Mais c'est rare qu'il y ait des complètes plantades. Hein. C'est des créneaux qui sont quand même. Les enfants sont habitués à regarder des séries toujours au même moment. Ils vont les regarder. J'entendais que c'était plutôt entre d'une série sur une chaîne, sur une série sur l'autre, en disant, bah tiens. Je ne sais plus quelle série, mais je pense que ce n'était pas Lila Lili où il y avait Titeuf ou je ne sais pas quoi en face, en disant que ça marchait bien, mais que dans le créneau en face sur l'autre chaîne, il y avait quelque chose qui marchait mieux. Et donc, voilà. Donc, il y a la concurrence en face, il y a aussi la concurrence entre. Bien sûr, il y a aussi une envie à un moment, s'il y a Titeuf en face, du coup, en face, on veut mettre une autre série de Zep pour que Zep se concurrence lui-même et que du coup, les enfants ne sachant pas quoi choisir, ça frénétiquement, peut-être pour regarder les deux séries en même temps, je ne sais pas. Mais je comprends. Enfin, si j'étais programmeur et que ma place dépendait des audiences que fait ma série, peut-être que je serais la première à faire quoi. Mais il a dit ok, ce projet est super, mais je veux perdre ma place, donc je vais mettre autre chose. Enfin. Comment tu as décidé de te lancer dans l'écriture de tes propres séries? À part, tu l'as dit que tu voulais le faire depuis Depuis le début, en fait, c'est ce que je voulais faire. En fait, la vraie question, c'est pas quand est-ce que je me lance dans l'écriture d'une de mes propres séries, c'est quand est-ce que j'ai le courage d'aller rencontrer des producteurs avec et tout ça. Et finalement, bah, avec Lucilet, c'est en rencontrant Léonie, en ayant l'énergie, en étant à deux, en fait, où on est plus fort, on se sent plus courageux et tout ça, qu'on a présenté ce projet-là et qui a bien marché. Et du coup, on est parti à fond là-dessus. Et du coup, j'ai d'autres projets, mais qui, eux, attendent tranquillement dans mon tiroir qu'un jour, j'ai le courage d'en faire quelque chose. Ce qu'on va faire, c'est, pour que ce soit plus simple, on va prendre l'exemple de Recto Verso. Je voulais prendre un exemple assez concret par rapport à une série, pour savoir comment on met en place une série. Là, ça n'a pas marché, mais voir comment déjà on met en place tout le dispositif. Donc, Recto Verso, c'est un court-métrage, à la base, comme tu nous as dit, en trois parties. Un court-métrage, c'est en 2006. Ensuite, quand est-ce qu'il y a la volonté pour toi de le développer en série ? Juste après. De suite, c'est-à-dire que le cours passe en festival. Le cours fonctionne assez bien en festival. Il y a des sélections, il y a des prix pour la musique, etc. Ce qui me reconforte dans mes choix par rapport au son et par rapport au graphisme, etc. Parce que c'était des choix que mon producteur suivait pas trop au début. Et en fait, au final, ça a assez bien marché. Et juste après, je crois que c'est en 2008 ou un truc comme ça, donc après les 2 ans à peu près de festival, il y a eu une aide à l'innovation dans le domaine de la série télé qui s'est mis en place au CNC. Enfin, en tout cas, j'étais au courant de cette aide. Ouais. Arnaud l'avait eu pour un projet Les Films du Nord. Et quand j'ai vu ce projet-là, je me suis dit, ben voilà, je vais peut-être essayer d'envoyer un dossier, vu que c'est une aide aux auteurs. En fait. Donc en tant qu'auteur, on peut présenter. Et c'est vrai que ça donne une vraie impulsion aux auteurs, je trouve, cette aide-là. Enfin, moi, c'est pareil, les fois où j'ai sorti mes projets des tiroirs, c'était pour le fondateur de l'innovation, ça aide vachement, je trouve. Et à l'époque, en fait, c'était une aide, enfin, c'est une aide qui est mise en place où, en fait, il faut être deux personnes, un auteur graphique et un scénariste, parce que c'était mis en place par la SACD, si je ne me trompe pas. Et pour eux, c'était une chose importante qui est à la fois un auteur graphique et un auteur littéraire. Et des auteurs avec un des deux qui est au moins des films sélectionnés dans certains festivals ou qui ait fait une école reconnue. À l'époque, le DMA n'était pas reconnu, mais il y avait Les Gobelins. Et comme je travaille avec Gilles, je lui ai proposé de co-écrire, de participer à l'écriture de Recto Verso. Recto Verso, ça donne. Mais sinon, je présenterai ça aussi à l'écriture. Qui ne connaissent pas, on va regarder, mais juste. Ça, c'était le court-métrage. Voilà, c'était juste un tout petit bout avant de parler même de la série. Voilà, juste un petit extrait donc, voilà. du court-métrage. Et. Attends, on va peut-être. Oui, je vais me taire. Non, deux secondes. Comment t'enlèves tout ce qui se passe, s'il te plaît? Voilà, petit extrait de Recto Verso. Donc ça c'est le film qui vient juste on l'a pas dit d'un facile enfin, de la projet c'est mon projet DMA voilà avec du enfin à l'origine le court métrage que j'avais écrit pour le DMA c'était un truc sur la création du monde en noir et blanc qui durait à peu près 10 minutes. Donc ça a complètement évolué en quelque chose de segmenté comme ça en petites scénettes de jeux graphiques. Donc, comme tu nous as dit, le dossier à l'innovation, je te laisse vas-y. Donc en fait, avec Gilles, on dépose un dossier. Ça doit être celui-là, je pense. Je crois que c'est après l'aide à l'écriture, on a réussi à écrire ça, je crois. Ah non, c'est le dossier. Je regarde. Tac, tac, tac. Ouais, non, ça c'est le dossier. Pardon, excusez-moi. Ouais, ouais. Ça, c'est le dossier que j'ai fait avant l'aide à l'écriture, en fait. Pour avoir l'aide à l'écriture. Donc, en gros, ça ressemblait à ça. Voilà. Ça ressemblait à ça. Donc, ça, c'était la fiche du court-métrage, en fait. Et donc, après, j'ai juste fait les intentions, etc. Enfin, c'est vraiment un tout petit dossier d'une quinzaine de pages qui est fait pour avoir cette aide-là. Donc il y avait des extraits du court-métrage. L'avantage, c'est que j'avais pas mal de visuels, vu que c'était adapté d'un court-métrage. Que la technique était déjà au point. Donc j'avais déjà des images même du tournage, où en fait, des amis, enfin un ancien de l'ESAT aussi, Gaspard, qu'on voit là, en fait. C'est marrant, parce que c'est un étudiant de l'ESAT qui a arrêté le DMA pour faire de la musique. Et finalement, il faisait partie du Tarab Borzo, en fait. Non, Tarab Décalé, pardon. Et en fait, du coup, je l'ai rappelé pour faire la musique du film, comme vous avez pu voir dans l'extrait du court-métrage. Là, il y a un extrait de mon storyboard, du coup, que j'avais fait. Parce que si vous voulez, pour ce projet-là, en plus, j'ai longtemps essayé de faire un court-métrage classique, c'est-à-dire de faire une histoire. Mais j'arrivais pas à écrire une histoire, en fait. J'avais que des idées comme ça sur des petits carnets avec plein de petites des jeux graphiques, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je vous disais que j'aimais vraiment bien la linéaire. Je pense que ça se ressent dans ce premier épisode, surtout. Et donc voilà, c'est ça que j'ai présenté en aide à l'écriture avec Gilles. Donc, c'était quelque chose qui, au départ, on me disait souvent, bah oui, mais pour les séries, justement, on cherche plutôt quelque chose de plus littéraire, machin, truc, etc. Et au final... Avec Gilles, on a réussi à avoir, on avait demandé 16 000 euros pour l'écriture, et en fait, on nous a donné 20 000 euros. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, c'est cool, finalement, on m'aide. Ça, c'est la charge que j'ai fait en DM, ça, par exemple. Donc j'ai réutilisé mon carnet de croquis, parce que j'avais un carnet de 200 pages de croquis comme ça, avec des personnages. Et donc, je suppose que le retour du CNC, si on donne 20 000 euros au lieu de 16 000, était super bon. Oui, carrément. J'ai même croisé après quelqu'un qui est prof à SuperCocom, qui faisait partie du comité de lecture, qui m'avait dit qu'ils avaient adoré le concept d'histoire. Dans le deuxième épisode de Recto Verso, le court-métrage, il y a la mort qui habite en dessous de Dieu, et Dieu fait du bruit parce qu'il est maladroit, et elle commence à en avoir marre. Enfin, et il avait adoré ce principe de sitcom un peu étrange. Et donc voilà, j'ai été assez aidé par rapport à ça. Et donc, suite à ce dossier, j'ai fait un dossier avec Gilles. Ça, c'est l'aide au développement. Je crois que c'est celui-là. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers. J'ai fait beaucoup de dossiers. Donc j'ai fait un dossier comme ça. Ça, c'est vraiment avec l'aide à l'écriture. Donc ça, c'était voilà, les sélections au festival avec les quelques prix que j'ai eus. Quelques noms. Non, là, les prix, c'est ce qui est en bleu, donc il n'y en a pas tant que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est si peu. Ouais, voilà, et du coup, on s'était fait en dessin avec Gilles. Enfin voilà, donc du coup, pendant un an, enfin pendant quelques mois de cette année, on a écrit avec Gilles... des épisodes, en fait. On a rajouté des personnages parce qu'en fait, la remarque qu'on m'avait faite, c'était que. Ah non, ça, c'est après, je crois. Que c'était un peu dispersé, c'est-à-dire que chaque épisode pouvait être une série à part entière. C'est ce qu'on m'a dit, en fait, à un moment donné. Et ça, c'est ce que j'ai recentré avec Mélanie après, quand on a fait l'aide au développement. Parce qu'après, on a fait un dossier. Ce dossier d'aide à l'écriture permettait d'obtenir l'aide au développement et l'aide au pilote. Oui, ça fait beaucoup de choses. Et donc, du coup, j'ai développé ça. Est-ce que juste, il y a tellement de dossiers, est-ce qu'à un moment donné, on perd l'envie, hein, je ne dis pas, parce qu'en plus, c'est un projet que tu tiens depuis tellement longtemps, mais est-ce qu'à un moment donné, on met en question, on se dit, on en a marre de faire ce genre de dossier alors qu'on a plutôt envie de faire des recherches et d'animer? Là, franchement, moi, je m'éclatais à faire ça, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, avec ces deux personnages-là, je les dessine tout le temps, en fait. C'est ça le truc. Je crois que j'ai du mal à les lâcher. Et du coup, j'ai une tonne d'idées avec ces personnages-là. J'en ai encore, là, quand je pars en train, etc., j'ai des idées. Et j'ai du mal à m'arrêter, en fait, avec ces personnages. Donc non, au contraire, quoi, en fait. Au contraire, ça m'a motivé, parce que je me disais, bah tiens, il y a des personnes qui y croyaient pas trop, et en fait, on me suit. J'ai dit, ben voilà, il faut que j'y aille à fond. Si je veux faire ma série, il faut que j'y aille. J'ai l'occasion de faire ça. Ça fait un certain temps qu'on fait du court-métrage, mais j'aimerais bien faire de la série. C'est vraiment un média que j'aime bien. Et donc, non, ça m'a vraiment aidé, quoi. Et poussé à faire ça. Et donc, le dossier que vous avez vu, donc forcément, ça commence à se compléter. Et après, forcément, on retrouve des choses. On retrouve des choses qui existent déjà. Je crois pas que ce soit celui-là, en fait. On retrouve des choses qui sont dans. Voilà, c'est celle-là. Excusez-moi, hein. Je suis un peu perdu dans mon. Suite au dossier que je viens juste de vous montrer, le CNC me dit bah oui, c'est chouette, on n'a jamais eu un aussi gros dossier, c'était 200 pages, en fait. Pour une aide à l'écriture, j'avais déjà une bibliographie, en gros. Et j'avais déjà des storyboards, parce que là, dans le dossier que je vous ai montré, il y avait pas les storyboards. Ah oui, c'est ça que je me disais qu'il était petit. Pardon. Et donc, suite. Vous avez vu, c'était une version petite. Et normalement, avec Gilles, on avait écrit déjà des scénarios. Donc là, c'était un truc de personnage. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et donc, je montre ces storyboards avec les trois premiers épisodes qui étaient en fait les épisodes liés au court-métrage. Donc, je remets juste mon storyboard en page. Attendez, excusez-moi, ça arrive. Ah non, je me demande si ça c'est déjà pas l'autre. Non, c'est celui-là. Ah mince. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, c'est ça d'en avoir 50 des dossiers. Non, mais c'est parce qu'il rame, je pense. Ouais. Non, parce que ça c'est ensemble, ça. Avec les extraterrestres. Ah non, peut-être pas. Non, c'était ensemble à deux, hein, je pense. Ouais, c'est ça d'en avoir 50. Ouais. Et donc, quand j'ai présenté ce dossier-là, voilà, il y avait tous ces petits scénarios, c'est parce que j'ai appuyé vite. Ils m'ont dit, oui, c'est vachement bien, mais chaque épisode pourrait être une série à part entière. Et en fait, ils avaient besoin de. Enfin, ils m'ont demandé de recentraliser les choses, de faire un choix, en quelque sorte. C'est-à-dire de. C'est le tableau Mélanie. Bah, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé son film. Il était en train de préparer le patate. Oui, t'es la roue de secours, c'est ça? C'est ça. Mais non. En fait, j'arrivais pas. J'arrive à travailler seul, mais je préfère travailler en binôme pour ce genre de projet surtout. Et donc du coup, à un moment donné, ça arrive à un moment donné où en fait, j'apprends que Mélanie finalement elle a arrêté l'animation et se met à faire du scénario. Et je fais. C'est ça. Ça tombe bien. J'ai un projet. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Bien rattrapé. Donc, là, on pourrait écrire combien de scénarios ensemble. Est-ce que là, il y a déjà un producteur sur le projet ou non pour l'instant? Non, en fait, si tu veux, avec le dossier d'aide à l'écriture, quand on dépose pour avoir l'aide au développement, il faut un producteur. Donc là, j'en ai parlé à Arnaud naturellement parce que de toute façon, je travaillais avec lui. Il disait bah, pourquoi pas produire un projet de série. Et donc, du coup, ça s'est fait avec lui. On a déposé à l'aide au développement et en fait, quand on a eu l'aide au développement, on nous a dit vraiment de centraliser un peu de recentrer en fait un peu la série parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et en fait, moi, je fonctionne comme ça, je partais dans tous les sens, un peu comme dans un court-métrage où j'ai pas de règles. Enfin, je fais ce que je veux, quoi. Pour moi, c'était ce que j'aimais bien aussi. Donc, Mélanie arrive et toi, comment tu fais par rapport à ça? Tu donnes une structure, tu reprends tout. En fait, j'ai foutu encore plus le bordel. En fait, j'étais là pour structurer. Non, en fait, plus sérieusement, en fait, moi, j'adore le projet de Gabriel. Enfin, depuis qu'il est en DMA, je le connais depuis super longtemps. Et finalement, en discutant, on est venu à cette idée que, en fait, le premier court-métrage racontait l'origine du monde. Enfin, comment finalement les créatures sont nées, etc. Et moi, j'adore cette idée. Et finalement, on est revenu un peu sur une solution sur comment garder cette, cette envie de faire tout, d'avoir des épisodes sitcom, d'avoir des épisodes opéra, d'avoir des épisodes SF, enfin, tout en gardant. Et du coup, finalement, ce qui a venu structurer le truc, d'ailleurs donner un côté série, c'était que chaque épisode allait raconter comment quelque chose était arrivé. Genre, par exemple, comment l'arche de Noé a été coulée, comment les dinosaures sont morts, etc. Par quelque chose qui avait absolument, finalement, tout été, tout ce qui est arrivé sur Terre depuis aujourd'hui. Enfin, depuis, pardon, j'ai pas assez de café. Depuis super longtemps, était finalement une connerie du combat entre recto et verso. Finalement, le combat entre le blanc et le noir, le bien et le mal, avait fait beaucoup de dommages collatéraux. C'était un peu l'idée. Et du coup, chaque épisode, on arrivait sur comment ouais, les dinosaures sont morts. Bim, partie de bowling entre recto et verso. On découvre que c'est ça qui a causé l'extinction des dinosaures. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre. Concept et peut-être voilà. Un mot, mais en tout cas, de voilà pour ça. Voilà, pour un concept de récurrence, tout en gardant la folie et la diversité, parce que c'était vraiment une richesse au projet. C'était un moyen, un peu comme ça, d'avoir, d'avoir tout. Plus la question était idiote, plus ce qui se passait dans l'épisode était gigantesque, enfin, incroyable. Voilà, et inverse. Plus là, c'était une grande question, plus c'était ce qui se passait entre Rito et Verso, c'était une bagarre pour une boîte de concert. Comme le bowling pour la fin des dinosaures. Voilà, par exemple. Et en opposition, une guerre entre une armée de chèvres et des moutons dans l'épisode avec la mousse à raser. Ça part vraiment d'opposer à chaque fois. Du coup, c'était logique par rapport au titre, par rapport à tout ça. Et le titre, on nous a demandé aussi de ne pas dire Dieu et Égal, par exemple. Voilà, parce que pour moi, c'était Dieu et Égal. Du coup, j'ai dit, ce que j'ai les appelé comment. On a dit recto et verso. Qui vous a dit ça? Là, c'est un des tabous de la télévision, puisqu'on parle de censure. Et la religion est. Ah, si, je me souviens. Parce que, en fait, j'ai pas travaillé d'abord avec toi, parce que j'ai d'abord testé avec. Comment il s'appelle là, qui travaille chez. Franck et Quincy. Qui est un scénariste reconnu dans la série télé, que Arnaud avait rencontré lors d'un Cartoon Forum. Et du coup, il m'a dit ouais, tu vas travailler avec lui. Sauf que moi, au début, ouais, d'accord, bah c'est cool, je vais avoir quelqu'un de renom, on va dire, on va travailler avec lui, c'est cool. Et en fait, ça n'a pas marché. Il me proposait des choses qui ne me plaisaient pas, on n'était pas d'accord, il était très peu disponible parce que c'est quelqu'un qui fait énormément de choses. Oui, il bosse énormément. Enfin, il est producteur, ouais, voilà. Scénariste, réalisateur. On a déjà parlé, je suis bien content, au début de la semaine, c'est eux qui produisent maintenant pas mal de longs métrages, le Tardi notamment. Ils ont produit Jour des Corneilles, ils ont produit Persepolis, enfin voilà, ils sont beaucoup plus maintenant dans le long métrage. Non, ils font encore de la série, du top qualité. Et donc du coup, ça s'est pas bien passé. Et donc du coup, j'ai dit, ah non, écoute, moi je veux pas, il faut que ça s'arrête. Et à ce moment-là, j'ai dit, je connais Mélanie, j'aimerais bien travailler avec elle. Donc là, vous travaillez, vous réécrivez tout, en partie des scénars, en tout cas, avec cette idée donc de questionnement à chaque fois. Vous envoyez ça au CNC? Oui, on a après l'aide au développement pour valider en fait la fin de l'aide au développement, il faut donner son dossier. Et après, on a eu en parallèle l'aide au pilote. On a eu l'aide média aussi, qui est une aide européenne, qui est assez compliquée à faire avec un dossier comme ça. Enfin, un dossier avec plein de trucs de producteurs, quoi, on va dire. Pas vraiment un dossier graphique, un dossier plus de prod. Et ça, on l'a eu, on a eu plein de choses. En fait, donc on a quasiment en fait, toutes les aides. Ouais, au tout début, dès que vous présentez la série, en fait, au début, dans les aides, en fait, à chaque fois, tu les. Ouais, c'est plutôt positif, en fait. Il y a un côté très positif. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là où il y a l'épisode cartoon En fait, du coup, avec Arnaud, normalement, on devait faire un épisode pilote. Enfin, un pilote. Et puis moi, je suis venu, je lui ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien en faire trois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a trois structures. Enfin, on avait plein de scénarios déjà avec Mélanie, parce qu'en fait, on a fait 9, genre. Ouais, on a fait 9, 10. On avait des idées au kilomètre, quoi. Ouais, on a fait 70 direct, quoi. On s'éclatait en fait à écrire ça, du coup. On venait à varier, tu venais, enfin, on faisait vraiment comme ça, des jeux de ping-pong comme ça, qui était super intéressant. Et du coup, j'ai dit à Arnaud, écoute, j'en ai trois qui sont vraiment bien, là. Ça me dirait bien de les faire, et j'aimerais bien en faire un avec. Parce qu'on a eu l'argent de. De Ronald, je crois, enfin pour les trois autres, c'est ça, c'est Ronald, Quoi touchant. On a eu l'argent pour faire un pilote là-bas, et moi j'ai dit j'aimerais bien en faire un au studio Train-Train, et j'aimerais bien en faire au studio L'Enclume. Parce que je me suis dit, si un jour la série se fait, j'aimerais bien travailler de cette façon-là avec trois studios. C'est-à-dire avec un studio qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Donc, il y a eu trois épisodes qui se sont faits en parallèle, où je répondais en fait aux attentes des autres, et du coup, j'animais pas du tout. Donc ça, c'est assez étrange. C'est frustrant. Il y a un côté un peu frustrant, mais comme j'ai dû retravailler pas mal l'épisode qui a été faisait compositing quand même. L'épisode qui a été fait à l'enclume, j'étais pas content de l'animation, donc j'ai refait 80% de l'anime. De voir ces personnages comme ça qui partent animés par d'autres personnes ou ah, il y a des surprises ou ah oui, il y a des surprises. En fait, aux trois ours, ça s'est extrêmement bien passé. Il y avait deux animateurs parce qu'en fait, j'ai incité pour qu'il y ait un travail de en binôme comme ça, je trouvais ça intéressant. Comme on avait fait sur le court-métrage avec Gilles, parce que le court-métrage on l'a animé à deux avec Gilles et on a eu des assistants, donc là. Et en fait, quand on travaillait comme ça, Gilles il animait Dieu et moi j'animais le diable. Pas étonnant, mais le petit nerveux, quoi. Puis le petit calme, enfin le grand calme. Le grand calme, plutôt. Voilà. Et ça a très bien marché, je trouvais que même les personnages avaient vraiment ce caractère-là, quoi. Que chaque animateur, quand on a, moi, enfin, on reconnaît nos animes à chaque fois, et je trouvais ça vachement intéressant. Donc, quand on a travaillé comme ça avec les trois ours, ça a assez bien marché aussi. Et puis, au final, ça s'est enchaîné sur l'épisode de Top Moumout. Enfin, Top Moumout, c'est comment la buse de la mousse à raser s'est bloquée. Voilà. Ouais, mais le nom de code, c'était Top Moumout. C'est ça. Parce qu'il mettait une moumout de mouton. Et là, ça a été fait chez Train Train, ça s'est bien passé, et puis après, on a enchaîné sur l'enclume. Donc là, il y a les trois qui sont réalisés. Ouais. On peut montrer, sinon je l'ai sur le... Parce que dur, on peut montrer un tout petit peu. Non, je les ai sur le... Je vais vous montrer, en fait... Bon, j'ai après un dossier qui s'est encore étoffé, avec la Bible graphique, la Bible littéraire, etc., tout ça. Mais pour le pitch à faire en Hongrie, enfin au Cartoon Forum. Ouais, voilà. Plutôt que de venir avec un PowerPoint, j'ai fait un site internet. Enfin, j'ai fait faire un site internet parce que je ne sais pas le faire moi. Qui utilisait les SWF de l'anime et tout ça, etc. Donc on est venu avec un site internet interactif qui était en ligne en même temps. C'était une stratégie. Ah non, on était même avec des t-shirts. On avait des t-shirts, on avait des auréoles. Avec Arnaud, le producteur, qui avait un t-shirt de la mort et tout, c'était marrant. Et il y avait pas une casquette avec des auréoles de zèbre. Attends, pourquoi il lance le. Ah, si, c'est. Pardon, excusez-moi. Je sais. Voilà, c'est le projecteur qu'il fallait mettre. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et puis là, hop. Avec un système de questions, bah là c'était la question par rapport à la série. Donc voilà, et donc on avait un système comme ça, pendant notre conférence on pouvait interagir là-dessus, il y avait des boutons cachés avec des épisodes. Là je ne sais plus c'est quoi, mais c'est ça en fait ce qu'on vient de voir, pardon. Et là c'est une sorte de d'autres teasers avec des extraits qui utilisent la musique du court-métrage. Avec des extraits, du coup des épisodes comme ça, on voit un peu de tout. Finalement ça passe, je trouve. L'évolution, enfin ouais, le personnage a quand même été simplifié, enfin pas simplifié, épuré au niveau des oreilles. Il est plus petit. Comme ça, avec l'histoire, la structure narrative, et entre-temps, au milieu de la discussion, on mettait un des épisodes en fait. En cartoon forum, pour ceux qui n'ont pas été, c'est donc l'endroit où on se retrouve devant quoi, plein de diffuseurs, plein de producteurs dans la salle, super sérieux, qui vous regardent, ouais, c'est ça. Des chaînes. C'est essentiellement des diffuseurs hein, qui sont dans le public. Bon, après, il y a les autres producteurs, mais en fait, c'est un endroit où les producteurs et les auteurs viennent pitcher des projets. Pour retrouver des diffuseurs ou des partenaires pour coproduire les séries. Combien de temps ? Vous avez bossé Je sais plus, une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Il y a un peu de temps quand même. Il y a un peu de temps, ouais. C'est pas les trucs de pitch de 5 minutes. Ouais, on a fait pitch. C'est une demi-heure parce qu'on a pu passer 3 épisodes et Tom Mood, donc Canal Plus n'avait pas compris, elle a voulu le revoir. C'est vrai, elle a dit j'aimerais bien voir le deuxième, j'ai bien sûr, parce que j'ai rien compris. Ah. Ok, ça, ça casse bien. Donc les réactions sont quoi? Sont mitigées. Sont mitigées là à Cartoon, c'est bah, ça? C'est là qu'on affronte le vrai monde de la série télé. C'est jusqu'à maintenant, finalement, nos interlocuteurs, c'était le CNC, la SACD, c'est des gens qui sont en, comment dire, dont le contenu littéraire est, qui ont envie de goûter, qui ont envie de choses différentes, parce que le fondat de l'innovation, c'est quand même le fondat aux choses qu'on n'a pas déjà vues, a priori quand même. Donc voilà, et là, du coup, on est au marché avec, n'importe quoi, mais genre des séries comme genre le Lily Rock ou ce type de série, des trucs qui passent vraiment à la télé. C'est-à-dire avec des couleurs, avec des dialogues. Ouais, c'est ça, on vous reproche, là, on reproche le noir et blanc. On me reproche le noir et blanc, on me reproche le fait que je demande beaucoup trop d'attention aux spectateurs et qu'ils devraient être capables de faire autre chose en même temps que de regarder ma série, de leur faire le ménage. Ouais. Voilà. Et que même sur 3 minutes, le spectateur ne peut pas être attentif autant. C'est-à-dire que si on tourne la tête quand on regarde un épisode, vu que moi ça ne s'arrête jamais, que c'est des plans séquences, que ça bouge tout le temps, ben on est perdu. Il n'y a pas de dialogue pour dire pas de dialogue, oh mon dieu, tu es en train de prendre mon mouton. Voilà. Et, ah non, pas ni Dieu ni Dieu, mais c'est-à-dire, oui. C'est vrai que ça demandait une attention, il faut regarder le film, quoi, ouais. Vraiment, pour comprendre ce qui se passe. On ne peut pas tweeter en même temps. Donc, il y a des retours aussi des médias étrangers ou c'est plutôt français là? Il y avait des deux aussi, parce qu'en fait, à la fin du pitch, on a une fiche avec les présences et s'ils veulent, ils peuvent mettre un commentaire. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Donc il y avait la BBC, machin chose, etc. Mais ça a pas pris quoi. Ouais. Après, des fois, il suffit que justement dans une salle, moi j'ai déjà vu ça parce que du coup on assiste à d'autres pitchs, mais même si le projet il n'a pas été acclamé d'applaudissements, etc., tout ça, à un moment donné, il y a, je sais pas, France Télé qui dit ah bah en fait c'est vachement intéressant. Puis d'un coup, tac, les autres ils disent ah si lui dit que c'est intéressant, c'est que moi j'aimerais bien l'avoir aussi. Et ça lance le truc en fait. C'est vrai que ma question qu'on avait eue, c'est si un jour cette série existe, qu'est-ce que vous changeriez? Ok. Bah, je sais pas, moi j'aime bien comme c'était ça. Un peu... Donc, ouais, c'était un peu. En plus, c'était marrant parce qu'on avait édité des casquettes noires et blanches, recto et verso. Quel est un succès du tonnerre. Ouais, et on les donnait à l'enchaîne et puis les gens ils portaient leurs casquettes noires et blanches. Ouais, on avait fait du marketing. Là, le potentiel merchandising était évident pourtant. C'était vraiment. Mais donc, ça veut dire que. C'est vrai que. On confond en fait là avec dans l'idée d'originalité, parce que c'était à la base aussi moi de ma question aujourd'hui, c'était on veut bien l'originalité, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, en tout cas en France par exemple, donnent de l'argent, CNC donne de l'argent pour l'originalité. Oui, il y a un vrai soutien, à l'originalité, à l'auteur, enfin, le CNC et la SACD font un boulot de ce côté-là qui est assez chouette, il y a un vrai travail de ce côté-là. Mais Pierre Saracusa, donc la personne qui est en charge de France Télévisions, lui en fait il m'a dit bah oui c'est bien ce truc là mais en fait vous êtes jamais en contact avec les chaînes et du coup on peut pas vous dire un peu ben bah, voilà ok c'est bien d'innover etc mais faut faire attention à respecter des trucs, des cases etc et du coup j'en ai parlé à quelqu'un de la SACD qui a dit bah oui mais justement on peut pas vous mettre en contact pour innover quoi. Ouais. Donc en gros ouais ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va vous faire parce que là, c'est jusque-là, donc jusqu'à Cartoon, on est combien de temps de travail? Ah bah là, pour moi, à partir de 2008 jusqu'au Cartoon, qui est en 2011. Ouais, nous, on a dû bosser, je ne sais pas, 6 mois ensemble. Ouais, on a bossé 6 mois sur l'écriture. On a 6 mois à temps plein, mais on a quand même bien bossé. Non, mais il y a quand même 2 ans de travail, en tout cas pour toi. Donc 6 ouais, mois, 2 ans de travail, avec quand même plus de court-métrage, on considère que. Ouais. Mais il y a plus quand même de l'argent. Ah enfin, ouais, voilà, ouais, c'est ouais. Pas non plus quelque chose que tu fais dans ton coin en disant bah, on verra bien, je vais montrer au monde à un moment donné. Non, il y a tout le temps des retours. Mmh. Et donc la Cartoon, ça marche pas forcément super bien à cause de tout ça. Et, et tu. Comment ça se passe à partir de ce moment-là? C'est-à-dire qu'Arnaud dit. Ah bah, moi je suis déprimé, moi. Ouais. En gros. Ouais, franchement, pendant un an, j'ai pas repensé à la série. J'ai travaillé, j'ai laissé de côté ça, et je pense qu'Arnaud a fait la même chose. Et à ce moment-là, j'ai dit à Arnaud, bah écoute, au fait, les épisodes, ils vont être envoyés en festival, machin truc et tout. Parce qu'en plus, à côté de ça, je l'ai envoyé à Annecy. Les épisodes pilotes, je les envoie à Annecy dans le domaine de la série. Enfin, en compète série, je ne suis pas sélectionné. Vu que j'avais vu une année qu'il y avait des séries qui étaient aussi en court-métrage, bah, j'ai dit bah, pourquoi moi je pourrais pas. Donc j'avais envoyé en série et un des épisodes choisis en court-métrage. Et là on m'a appelé en disant ah non, vous pouvez pas faire ça. J'ai dit ouais, mais il y a des gens qui le font, je sais pas pourquoi, moi je pourrais pas. Donc au final, j'ai pas été sélectionné non plus à Annecy. Et à partir de là, en fait, la série n'a pas été du tout diffusée, en fait, ni en salle, ni sur internet. C'est pour ça qu'après un an, parce que c'était le Cartoon Forum, je crois que c'était en septembre, j'en ai reparlé à Arnaud en juillet, j'ai dit bon, bah, j'aimerais bien mettre au moins des épisodes en ligne gratuitement, ce genre de choses, quoi, pour qu'il y ait quand même. Pour que tout ce boulot finalement soit quand même vu à un moment donné. Ouais, de voilà. Ouais, parce que c'est un peu l'idée à un moment. De le confronter quand même, en effet. Ouais. Est-ce que, donc, toi, c'est là aujourd'hui, c'est. C'est fini, c'est-à-dire que tu bon, t'es content évidemment de l'avoir fait, mais tu ne vas pas forcément repartir. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné l'idée de travailler, je sais pas, pour le web et de le faire sur Internet ? Il y a eu deux choses, en fait. Il y a eu, en fait, à Arnaud, donc toujours le Film du Nord, a fait un appel à projet aux différentes boîtes avec qui il avait bossé, parce qu'il voulait faire un omnibus, donc un regroupement de courts-métrages pour former un long-métrage. Sur un thème prédéfini. Il hésitait entre la bouffe et la musique. Et à ce moment-là, moi, j'avais une idée par rapport à la musique, par rapport à Alto Verso et Beethoven. Forcément, il a choisi ma bouffe. Donc j'ai fait merde. J'ai bossé là-dessus et tout. Donc ça, c'était en juillet, je lui disais ce serait bien d'avoir les épisodes sur Internet. Et en septembre, je venais avec un script en tête. Et donc, du coup, j'ai écrit un scénario avec Ludwig. Et Recto et Verso qui l'embêtent, quoi. Et du coup, la question de l'épisode, c'était comment Beethoven est devenu sourd. C'était un truc qui durait 3 minutes, et en l'écrivant, en fait, j'ai fait quelque chose de 6 minutes, et en le faisant, j'ai fait un truc qui fait 11 minutes. Et comme il y avait. Des producteurs. Voilà. Mais comme il y avait resté un peu d'argent de la série, entre autres, du coup, je m'étais dit, bon, bah, c'est tout, je vais le faire. J'ai demandé à Arnaud s'il avait un peu d'argent pour me payer, je vais le faire tout seul, le film. Donc, c'est comme ça qu'est né Ludwig. Et donc je suis content, j'ai quand même réussi à faire ce film. J'ai pas eu beaucoup d'argent, mais j'avais besoin de faire ce film pour clore en fait la série, pour moi. Pour faire sans dire bon bah voilà, là j'ai toutes mes tripes dans ce format-là, avec l'écoute de ce qu'on m'avait reproché, le fait que ce soit trop rapide, etc. Tout ça. Donc j'ai pris beaucoup de temps à réfléchir à ça, à me dire je vais poser les choses, comme ça la ménagère pour faire le ménage en même temps. Ah bon, non, j'ai fait un rythme beaucoup moins soutenu, ouais. On va dire. C'est vrai qu'on s'est rendu compte finalement que le vrai temps de la série, le temps idéal, c'était le temps de Ludwig, en fait. 6-7 minutes. 6-7 minutes étaient. À chaque fois qu'on écrivait, ça. De toute façon, nous, on était trop court, on avait tellement d'idées. On était tellement génial. L'épisode Pixel, normalement, il y avait une partie de Guitar Hero. Enfin, il y avait tout, en fait, on était sur des timings qui étaient beaucoup trop courts. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est un vrai péché, entre guillemets, de jeunesse, c'était d'avoir stocké au maximum de trucs. Et c'est vrai que du coup, nous, on les connaissait par cœur, donc on se marrait à voir nos trucs. Mais pour les gens qui juste réfléchissaient une seconde à ce qu'ils auraient fait à n'importe quoi d'autre, à un moment, ils perdaient un peu. Ouais. Donc ça, je pense que c'est vrai. Je pense que la série est trop speed. Ça, je pense aussi, c'est une bonne critique, hein, de toute façon, ça. Mais donc du coup, quand j'ai fait l'épisode de Ludwig, qui fait son parcours en France en festival, je me suis dit, bah, peut-être que ça relancera la série. Avec un autre support, avec un autre format. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, la série est en pause. A priori, tu n'y penses plus forcément, vous écrivez plus, vous ne faites plus rien, mais il y a toujours. Voilà. Je suis quand même d'accord. Il y a toujours la possibilité, en fait, que ça revienne. Toi, Mélanie, par rapport à Lucilette, notamment, qui a un autre projet, est-ce que justement, tu as eu des problématiques comme ça? Alors, Lucilette, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de couleurs. Lucilette, oui, ça parle. Il y a plein de couleurs. C'est vrai que c'est l'inverse. La problématique du temps de développement, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, entre nous, Lucilette, on commence en 2010. On est en 2013. Donc, on est déjà 3 ans plus tard. Si la série se fait, et là, c'est que tout le monde touche du bois en même temps et sacrifie quelques poulets, ce genre de truc, ce serait 2015. Donc, c'est des temps qui sont longs. Évidemment, on fait autre chose. On ne gagne pas sa vie en faisant que ça. Mais c'est vrai que c'est détente et il faut à chaque fois retrouver le souffle. Et en plus, sur un projet qui, exactement comme le cas de Gabriel, évolue. C'est-à-dire, au début, on était sur un temps de 3 minutes avec quelque chose de très très simple où c'était une petite fille qui se pose une question, qui a un choix à faire. Elle explore solution A, puis solution B. Et puis, elle choisit évidemment un autre truc ou une compilation des deux. Elle trouve toujours un moyen de diversifier un peu la question. Et c'était la base d'une petite fille, genre 4-5 ans. Et en fait, le projet a évolué. Les épisodes sont plus longs, c'est du 7 minutes. Évidemment, si on pouvait, on ferait du 13, parce que c'est pareil, on a plein d'idées. Et avec une héroïne qui est plus âgée, donc du coup, c'est pas tout à fait la même question. Et la mécanique est du coup beaucoup moins mécanique. Il n'y a plus de mécanique. La mécanique a disparu, elle a un choix à faire. Elle va explorer soit 2 trucs, soit 8, soit 15, soit elle va rien explorer, faire autre chose. Enfin, ou pas explorer, en tout cas, dans l'imaginaire. Il y a tout un... C'est devenu beaucoup plus libre, en fait, bizarrement. Et là, il y a des chaînes qui sont mises en place. Parce que pareil, il y a pas mal d'aide. Pareil, exactement comme pour Gabriel, c'est un projet qui a été porté, mais vraiment par la SACD, le CNC. On a eu toutes les subventions qu'on a réclamées, un soutien génial, des retours super formidables, de « allez-y, go, c'est génial » et tout. Donc c'était super, et ça l'est toujours, on est toujours ravis. Après, en effet, t'as presque une chaîne, quand même. On ne sait pas. On verra, on espère. On prie très fort pour ça. Il y a des forts intérêts. Est-ce que les chaînes, encore une fois, que je dis pour ceux qui sont arrivés, vous voulez avoir des gens de chaîne et qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément venus malheureusement, est-ce que il y a des chaînes qui, est-ce que vous trouvez qu'en France justement on a un problème de, on n'a pas un Cartoon Network, on n'a pas des chaînes qui prennent un peu de risques par rapport à ça, à part bon Canal+ a Arte un petit peu, mais qu'on au niveau de la série pour adultes, par exemple ado adultes, c'est vraiment a priori. Ça devrait bouger. Il y a, enfin, en même temps, ça fait quelques années que France Télé dit qu'ils vont faire de l'ado adulte. Là, ils ont fait leur conférence où ils vont le faire. Apparemment, il y a notamment l'adaptation de Coucou Bouson qui va se lancer, tout ça. Donc, il y a des vraies velléités. Au niveau des prises de risque, ben, en fait, je pense que France Télévisions est un énorme paquebot qui avance à la vitesse la plus rapide possible, mais il y a quand même énormément de gens et un système décisionnel, je pense, qui est un petit peu long. Mais. Il y a des vraies volontés. Il y a des choses qui sont. Ça, des fois, ça marche plus ou moins et tout ça. Mais c'est des petites choses. Et en effet, il n'y a pas un... J'ai l'impression encore, là, on ne croit pas encore très fort à l'animation adulte. Je me dis qu'il va falloir que notre génération, qui est elle, une animation adulte, prenne le pouvoir à un moment pour que ça devienne un vrai truc. Quoi, parce qu'on en a tous envie. Enfin, et on ne comprend pas pourquoi nous, on n'aurait pas droit à ça. Alors. Je me lève à ce moment-là, c'est le moment où je suis dans la salle, et je vais demander à Marine Blin, je vais demander d'être là, comme j'essaye à chaque fois de faire parler en fait en fin de conférence. Il y a Valentine, et là aujourd'hui Marine. Marine, elle est à la Poudrière, puisqu'à côté, on va nous en parler aussi. Et en fait, l'idée, c'était de savoir si on apprenait la série en fait à l'école. D'animation et donc savoir ce qui se faisait à la Poudrière. Bonjour. Au niveau de la série à la Poudrière, en fait, on a un exercice en fin de première année. On a un module d'adaptation en fait de bande dessinée en concept de série animée. Donc on propose en fait des livres et on a un exercice comme ça qui dure pendant 6 semaines en équipe de 3 personnes. Et j'ai travaillé l'année dernière avec Louise qui est là. Je ne sais pas, il est passé. Et oui, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on se frotte à l'idée d'adapter un travail qui n'est pas le nôtre, d'avoir une certaine cible, de créer un concept. Et sur ces 6 semaines qui sont très denses, on doit créer le concept de la série, on doit commencer à écrire des épisodes, on doit développer un peu l'univers graphique et faire des tests d'animation. On a un partenariat, en l'occurrence avec l'Animation Workshop, qui est une école d'animation. Et on travaille avec des équipes d'animateurs en tant que réalisateurs sur le projet, qui vont venir faire des animations qu'on va pouvoir montrer ensuite au pitch. Donc vous avez, oui, ça va jusqu'au pitch et vous avez un pitch devant des chaînes, des producteurs. Oui, là, c'est le grand moment de la fin de l'année. En fait, on a une espèce, quand on développe une série et qu'on veut donc partir à la rencontre effectivement des diffuseurs, on va la présenter à ce qu'on appelle le forum cartoon, qui se passe à Toulouse. Et donc la Poudrière, dans cette idée de professionnalisation, entre guillemets, du coup, nous propose en fin de première année de pitcher nous-mêmes nos projets de série devant des diffuseurs, des studios. Donc on a des gens de télévision qui sont là, on a un peu du gratin, bien Valence. Et donc on fait un pitch de 15 minutes comme ça de la série devant ces gens-là, pour essayer de nous confronter un peu à ce que c'est une présentation officielle, entre guillemets, même si c'est à notre petite échelle et après un travail de seulement 6 semaines. Et après, il y a les retours, c'est ça, des chaînes qui vous disent à chacun. Alors après, est-ce qu'il y a des retours? Moi, en fait, c'est à la base, un exercice peut se transformer après en projet de série viable, entre guillemets. Il y a déjà plusieurs séries qui se sont faites en fait à la suite de ces pitchs, dont notamment la série Argonne et une autre adaptation qui s'appelle Michel, qui a été faite par Folimage. Alors effectivement, après on a des retours, on peut avoir des retours. Nous, c'est vrai quand on a pitché la série, on a eu pas mal de personnes en fait qui ont été assez enthousiastes. Il faut dire que la BD à la base et le travail de Marion Montaigne qu'on a adapté est vraiment super intéressant, donc c'était assez génial de bosser là-dessus. Et puis effectivement il y a eu beaucoup d'enthousiasme, mais il y a toujours des pics comme ça, il ne faut pas non plus trop s'y attacher. Il faut dire que l'auteur a aimé, elle, aussi l'adaptation que vous en avez fait. Ouais. On a fait l'adaptation du coup de La vie des très bêtes, qui est une BD de Marion Montaigne. Et on a eu la chance que Marion Montaigne accepte de venir dans le public le jour du pitch. Du coup, elle était là à la présentation. Et effectivement, on a eu des bons retours, ça va. Elle a ri. on était plutôt contents. Ça avait marché. Donc voilà. Donc si vous voyez la série dans 5 ans. Ouais, on va voir. Okay. Est-ce que. Moi, je voulais vous demander un peu, parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, j'ai fait mon stage à Futurecon. J'ai vu qu'aujourd'hui, on a énormément de séries d'adaptations qui sont présentes sur le marché. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas plus de séries originales comme celle de la vôtre avec Recto Verso, alors qu'elles sont soutenues par le CNC, etc. Comme dans certains pays. Comme avec Cartoon Network que Alexis présentait tout à l'heure. Voilà, je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a pas plus de séries originales comme ça. Alors, en fait, ils veulent vraiment faire des séries originales. Je pense que si, la différence, c'est que Cartoon Network sont producteurs, en fait. Enfin, ils produisent leurs séries. Ils font des laboratoires, ou ils font. Par exemple, Gumball, c'était un programme où on va faire X pilotes. On va les produire et ensuite on va les faire. Et puis on est la chaîne de télé, on fait ce qu'on veut. En France, les chaînes ne produisent pas de programmes. Donc ils achètent. Ils co-produisent, si j'ai bien compris. Ils achètent. Et il y a une sorte de schizophrénie. C'est-à-dire entre. On a hyper envie de faire des trucs super originaux. Et donc c'est super, on a acheté Garfield en 3D. D'accord. En même temps, c'est original. Mais en fait, il y a des séries originales. Bizarrement, moi, j'étais super étonnée de découvrir, c'est grosso modo 50-50. Et en fait, c'est une question de visibilité. C'est-à-dire qu'il y a des séries originales qu'on ne voit pas, ou qu'on oublie qu'en fait, ce sont des créations originales, tellement qu'elles ont un look mainstream. Mais par exemple, Code Hugo est une création originale d'étudiants qui étaient sortis des Gobelins avec leur court-métrage de fin d'études qui est devenu une série. Et donc, c'est une création originale, même si le mot original, c'est surtout du fait que c'était créé de zéro, quoi. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile de vendre une adaptation. même si, et des fois c'est complètement comment dire, on marche sur la tête, c'est-à-dire que tu as un diffuseur qui peut te dire les yeux dans les yeux, si vous voulez qu'un jour votre série se fasse, faites-en une BD, même si personne ne la lit, du coup ce sera une adaptation. Voilà. Alors, il y avait Pierre qui nous avait dit ça. Ouais, c'est Pierre Cousin qui nous avait dit ça. Vraiment, hein, c'est. Parce que les adaptations, il y a un côté, en fait. Du coup, on voit à quoi ça va ressembler. Il y a déjà une BD avec une histoire et tout ça. Je pense qu'il y a ça. Il y a un côté où, d'un seul coup, il y a déjà un espace marketing qui existe. C'est-à-dire, le truc a déjà été vu, le truc a déjà été aimé. Et puis après, je ne sais pas. Mais des fois, c'est bizarre. Non, vas-y, termine, excuse-moi. Je crois que t'avais fini. Et puis, des fois, c'est. Par exemple, on adapte des choses qui ne sont pas adaptables. Enfin, des trucs qui sont super géniaux et qu'on va dire, oui, mais vous allez tout retirer parce que ça passera jamais à la télé. On dit, mais pourquoi pas partir d'une série originale dans ce cas-là? Quel est l'intérêt au final? Les personnages vont changer, l'histoire va changer, il n'y aura plus rien de toute façon. Donc, c'est bizarre. Non, c'est le prix normal en fait. Oui, mais c'est pas une question. En fait, c'est vraiment pas du genre, ah, c'est pas cher, on achète. C'est vraiment, on achète ce qu'on espère qui va marcher auprès des enfants et que les enfants vont identifier. Et c'est la facilité de l'adaptation en fait aussi, en se disant, les enfants ont déjà vu cette BD. Il y a déjà une étude de marché. Tout le travail de création d'un personnage auquel les enfants s'identifient, a déjà été fait en amont en fait. Il n'y a plus qu'à fabriquer une série. Enfin, sachant que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça de faire une adaptation, hein, évidemment. Mais il y a des créations originales, c'est juste qu'on ne les voit pas. Enfin, on les voit moins, en fait. Tiens, vas-y. Ouais, j'ai le droit. Ouais, vas-y. Blablabla. Bla, bla, bla. Tu m'arrêtes quand tu veux. En fait, il y a plusieurs choses qu'on a dit. Déjà, la chose qu'on avait dit. Fais une BD. Non, mais on n'avait pas dit fais une BD à ce moment-là. Mais j'en avais envie, en fait, mais bon, ça, c'est autre chose. C'est Pierre Saragusa, donc la personne qui s'occupe de France Télé, qui me disait que aussi la difficulté, c'est que lui, il aimerait bien produire ce genre de série, mais que le diffuseur, celui qui s'occupe de la diffusion, de la programmation, bah, il ne saurait pas où caser, par exemple. Donc, il y a des conflits internes dans la chaîne, où en fait, même si il va venir avec un paquet de projets intéressants, celui qui s'occupe de la programmation, il ne va pas réussir à le mettre parce que la cible n'est pas assez précise pour lui, etc. Tout ça, c'est trop ouvert, c'est du noir et blanc, machin truc. Où est-ce que je le place dans mes cases ? 3h du matin. Voilà, dès que tu sors de ces cases-là, hop, t'es mis un peu de côté. Il m'a dit aussi que 98% de la production, c'était des adaptations de BD, clairement. Moi, je lui ai dit, après, que l'attention des spectateurs... ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, moi j'ai dit ce que je ne comprends pas, c'est que finalement mon film il a eu des prix du public, du prix du jeune public aussi, en festival, et directement on m'a dit mais de toute façon oui mais les spectateurs ce sont pas les mêmes quoi. En salle ils sont assis, ils regardent, ils sont attentifs, à la télé ils ne sont pas attentifs. Voilà, en gros c'était ça quoi. Voilà. Bonjour. Bonjour, j'ai une question qui va un peu direction, mais là, avec le verso, c'est des épisodes qui sont indépendants les uns des autres. Lucilla, je ne sais pas si c'est feuilletonnant ou pas. Non. Et voilà, et à propos des séries feuilletonnantes, qu'est-ce qu'il en est maintenant? La fan. It's complicated. Non, en fait, ils font un peu feuilletonnant, en fait, mais c'est un vrai obstacle pour une série, apparemment. Et en fait, c'est une de mes petites révoltes de ce festival, c'est que j'ai eu sur Onifa le projet Baïdir. Qui est un projet d'aventure féminin qui est juste sublime. C'est-à-dire, face à eux, on n'a aucune chance qu'un autre projet soit pris en préférence par rapport à eux, tellement que c'est génial. C'est une création originale super et tout. Et apparemment, ce qu'on leur a dit, c'est nous, si on fait du feuilletonnant avec Ankama, si on veut un spin-off de Mofu, on ne veut pas une autre série. Donc, du coup, ils le font en turbo-média, c'est-à-dire un truc, une sorte d'intermédiaire entre la BD et l'animation, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de faire leur série. Et en effet, actuellement, de l'aventure feuilletonnante, il n'y en a pas. Et en tant que scénariste, c'est juste une énorme frustration parce que la comédie de 13 minutes sur les problèmes de quotidien des enfants, personnellement, je commence à en avoir écrit 80 et ça commence à un peu. Je pense que même les enfants, ils vont en avoir marre au bout d'un moment. Et du coup, moi, je vois ma fille de 5 ans, elle regarde Zorro en noir et blanc, et Mystérieuse Cité d'Or et Conan, Fils du Futur, parce qu'il n'y a pas l'équivalent à la télé, en fait, de ça. Donc, je pense que, à mon avis, ça va revenir. Enfin, je me dis que à un moment, ça va faire un appel d'air. Mais pour l'instant, clairement, il n'y a pas de. On ne sent pas d'une grosse volonté de ce côté-là. Voilà. Parce qu'ils aiment bien diffuser les épisodes n'importe comment, en fait. C'est ça le truc. Alors. C'était prévu à l'idée du fait, non, puisque Delphine Maury va être là et elle devait nous en parler, puisque justement elle a une série qui est feuilletonnante, qui s'appelle Les Grandes Grandes Vacances, qui est produite par les armateurs. Et en plus, c'est passionnant, puisque c'est vraiment c'est une série qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et même là, les armateurs et même les chaînes l'ont poussée, alors qu'elle avait une espèce de. C'est pour ça que j'étais vraiment intéressé que Delphine vienne, parce qu'il y avait une espèce de censure et elle disait ah ben non, je vais les mettre. Dans la zone libre, par exemple. Et non, au contraire, il faut que tu les mettes, il faut qu'on se rende compte que c'est compliqué, c'est les Parisiens qui viennent à la campagne. Et au contraire, par exemple, à un moment donné, c'est intéressant, je trouve intéressant, et, elle met un cochon, il y a un cochon, qui est leur meilleur ami. Évidemment, leur ami lui a dit non, ce n'est pas le cochon, tu vas te couper tous les jeunes musulmans qui ne vont pas pouvoir regarder ta série. Ce genre de bêtises qu'on peut dire, en effet, à des gens qui sont en train de créer des séries. Donc voilà, c'était intéressant que. Delphine aussi nous raconter, mais c'est intéressant parce que la série marche et la série va être faite. Et c'est vrai que c'est. Oui, comment ça marche ? Oui. Et c'est vrai que je l'ai oublié, mais c'est vrai que c'est une vraie série feuilletonnante. Et en plus, du coup, elle est écrite à deux mains, enfin à trois mains avec Delphine, en plus deux autres scénaristes, ils écrivent tous les épisodes. C'est génial, enfin, je pense que ça va être super. Peut-être que c'est ça qui va avancer le feuilletonnant, enfin j'espère vraiment. Parce que ce qu'on dit aussi, c'est qu'on ne fait pas de feuilletonnant parce que c'est trop compliqué à écrire. En général, les scénaristes ne travaillent pas dans la même pièce, ils travaillent chacun chez soi, et ils ne se parlent jamais, et on ne leur fait même pas lire les scénaristes de leurs camarades scénaristes, les scénarios de leurs camarades scénaristes. Et du coup, tout le monde fait son truc dans son coin, et du fait que avec ce système de prod, ce n'est pas possible. Quoi, c'est vrai pièce. Que pendant le cartoon, on nous avait dit que ce serait bien que la série se fasse, comme ça on pourra faire des séries comme ça. Ouais, c'est enfin, les auteurs, hein, pardon. Lors du Cartoon Forum, j'ai rencontré d'autres auteurs qui m'ont dit « Ah, ce serait bien que cette série se fasse, parce qu'en fait, ça nous permettrait d'en faire des comme ça. » Parce qu'en fait, voilà, il en faut une pour après... Voilà, c'est ça. Ça a convaincu une chaîne, et après, du coup, « Ouais, mais on voudrait faire un truc comme lui. » Ah, bah d'accord, c'est bon. C'est vrai que des fois, enfin, le marché change très vite, finalement, et ce qu'on dit maintenant, si ça se trouve demain, ça sera pas du tout valable. Et on espère, d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il suffit qu'une série marche super fort, et que des fois, ça peut lancer un appel... Des fois, par exemple, moi, fou, ça marche quand même pas mal et ça va pas. Personne ne fait Ah, oh, on veut un truc fou. Enfin, c'est. Voilà. Il y a une série Cité d'Or 2 tout à fait. Ah, bah alors, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais je n'ai pas regardé, donc je peux pas. C'est une très très bonne question. Je me demande si c'est fait étonnant, j'en suis pas certain. Bon, on va savoir peut-être. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup. À Mélanie et à Gabriel d'être venus. Merci à vous. Merci. Alors, je vais avoir maintenant trois invités de marque. Avant de les avoir, je vais vous passer quelque chose. Alors, donc, il va y avoir Florence Mia et Jérémy Clapin et Théodore Huchette qui vont venir nous rejoindre. Alors, c'est là où c'est le moment où le nul en technique que je suis est obligé de s'excuser. J'ai déjà été voir Théodore pour m'excuser de ça. J'avais proposé à Théodore Huchette de présenter, puisqu'il présente Gloria Victor.